émission spéciale Tatou Juste sur le 90.9 de Radio Andenne, 89.5 de Radio Dio, nos deux radios sur ce rendez-vous de la transition écologique en ce dimanche 23 novembre, deuxième et dernière journée, dernière après-midi, avant-dernière table ronde de cette journée et de ce rendez-vous qui va porter sur l'alimentation de qualité, un défi à relever pour chacun, chacune. Trois invités ici au plateau, représentant trois organisations, on va définir les statuts et organisations précises, mais en tout cas la Boche du Forêt, Biocoop et Vrac sont avec nous. Pour le petit pitch, comme l'on dit, eh bien, en voici le résumé ou l'intention en tout cas. Aujourd'hui, plus que jamais, tout le monde cherche à avoir une alimentation de qualité, mais est-ce possible? A-t-on les mêmes critères? Est-ce que tout le monde peut y avoir accès? Selon qui je suis, où je vis, l'arbitrage n'est pas le même. Trois acteurs donc de la distribution locale croiseront leur regard sur la diversité des choix proposés sur notre territoire et soulèveront des problématiques bien réelles. Bonjour Marine. Bonjour. Je commence par les dames de Vrac. Salut Lionel. Salut et bienvenue sur nos antennes. Franck pour la Boche du Forêt, bonjour. Bonjour Lionel. Et Fred pour Biocoop, Biocoop Artisan. Bonjour Fred. Bonjour. Et bienvenue donc sur nos antennes pour aborder cette question et ce vaste défi. Donc, alimentation de qualité pour d'abord commencer à amorcer le sujet et la question. Nous allons commencer par un temps de présentation qui me semble plutôt bienvenu en premier lieu. Commençons donc par le commencement. On peut peut-être faire un tour de table avant d'engager peut-être la forme table ronde en tant que telle. Peut-être Franck en premier lieu pour parler de la Boche du Forêt. Pouvez-vous nous préciser de quoi il s'agit, de qui il s'agit? Bonjour, donc la Boche du Forêt, c'est une épicerie en ligne. Je travaille avec une cinquantaine de producteurs différents. Le but du jeu, c'est que la personne fasse ses courses directement sur le site internet et je livre à domicile. Sur le site internet, donc vous êtes un site internet? Vous êtes aussi une sorte de plateforme en ligne, essentiellement. C'est-à-dire que ce n'est pas une épicerie physique. C'est du e-commerce de proximité. C'est du e-commerce de proximité. Vous nous expliquerez cela, parce que pour moi, e-commerce et proximité sont plutôt antagonistes. On est d'accord, c'est une oxymore. J'aime assez les oxymores. C'est que simplement, le but du jeu, ce n'est pas de livrer de partout dans le monde, c'est de travailler avec du local pour le local. D'accord. Donc, vous fournissez en produits ou vous avez vos partenaires, fournisseurs. Oui. Vous passez les commandes, vous constituez les paniers et vous livrez. Enfin, quelle est la démarche? Alors, la démarche, dans l'autre sens plutôt, la personne va commander sur le site internet, comme elle ferait ses courses dans un magasin. Ensuite, sa commande, c'est moi qui vais la récupérer et passer moi-même mes commandes auprès des fournisseurs. D'accord. Quels sont les fournisseurs précisément et vos partenaires? Alors, je travaille avec des fermes en local, des maraîchers en local également, principalement en bio pour certains. Sur chacune des commandes, je vais les récupérer hors fruits et légumes que j'ai déjà en stock. Je vais récupérer les produits frais avant de faire mes livraisons. Tout ce qui est yaourt, fromage ou viande. D'accord. Donc, vous assurez-vous la livraison? C'est ça. Ok. Vous avez un périmètre défini, je veux dire, ou limite qui permet de répondre peut-être à une sorte de charte ou de cadre que vous seriez fixé? Pour faire large, je livre sur Saint-Étienne et les alentours, c'est-à-dire de Saint-Chamond à Sueil-Cantal en passant par Firmini. D'accord, donc sur le bassin Loire-Sud plutôt. Mmh. Et alors, la Boche du Forêt indique que vous seriez plutôt situé sur le Forêt. C'est une erreur ou... Alors non, c'est... Quand pas je parle de Forêt, c'est parce que c'est vrai que le Forêt, c'est aussi toute la région, mais je veux dire, est-ce qu'il s'agit des monts du Forêt? Enfin, géographiquement, on se situe où? Alors, le nom si on a est été, en ligne. Le nom a été créé par mon prédécesseur. Donc, j'ai repris la Boche du Forêt en janvier 2024. Et mon prédécesseur, lui, est amoureux de cette région-là, de la plaine du Forêt, des monts du Forêt. Et c'est pour ça qu'il a appelé ça comme ça. Et effectivement, certains fournisseurs se trouvent sur la plaine du Forêt et dans les monts du Forêt pour certains. D'accord. Mais vous, votre point d'ancrage et donc votre point de départ, c'est... Le point de départ, c'est sur Saint-Étienne. C'est Saint-Étienne. Vous l'avez dit, dans vos fournisseurs et partenaires, en tout cas, ou producteurs, il n'y a pas que du bio. Non. C'est aussi davantage le local qui prime dans, en tout cas, votre démarche, si je comprends bien. Local ne signifie pas toujours qualité. On est d'accord. Mais néanmoins, c'est très subjectif, mais c'est en tout cas, vous, votre façon de travailler, c'est de tout de même encourager cette démarche, qui serait celle de qualité, mais qui, pour le coup, pourrait être subjective. Est-ce que vous pourriez nous indiquer, préciser, au-delà donc des labels et autres, ce que signifie qualité selon vous ? Qualité, selon moi, alors déjà, c'est mon propre palais. tout simplement, si c'est vendu à la Bouche du Forêt, c'est que déjà, j'ai trouvé ça à mon goût. Ce sont les pratiques aussi des exploitants. Faut qu'il y ait des pratiques qui soient respectueuses de l'environnement. Et également des produits toujours de qualité. Alors j'aurais une question sur le coût, puisqu'on parle d'alimentation, alors de qualité, donc oui. Là on vient de l'évoquer, peut-être qu'on rentrera un petit peu dans le détail un peu plus tard, mais forcément on associe aussi cela au coût et à l'achat, bien entendu, au coût d'achat, au coût de... Oui. Voilà. Est-ce que le fait d'être en ligne peut permettre, parce que c'est peut-être votre choix, d'exister de cette façon-là, c'est-à-dire de peut-être revoir le coût un peu à la baisse et d'être davantage accessible? C'est ce qu'on entend très souvent pour l'ensemble des produits, que c'est moins cher en ligne et sur Internet, en gros. Est-ce que c'est le cas, et est-ce que c'était effectivement un point où ce serait un point à retenir pour la Bouche du Forêt? Alors, c'est pas du tout le cas. effectivement, c'est une remarque que je pourrais avoir, c'est que le tarif ne ressemble pas à tout ce matraquage commercial qu'on peut entendre de partout, en publicité. Je suis loin d'être le moins cher. Je préfère avoir des produits qui ont de la valeur plutôt que de proposer des prix uniquement. Le coût, ça dépend quel coût on parle. Parce que ce qu'on n'a pas en coût financier, on l'a en coût environnemental, on l'a en coût sur notre santé. De proposer des produits locaux, c'est proposer des produits qui ont été cueillis à maturité, qui n'ont pas mûri pendant tout le temps du transport. Et plus le transport va être long, plus les aliments vont perdre des qualités nutritives, que ce soit en minéraux ou en vitamines. Donc ce coût-là, on l'a sur la santé. Une chose dont je me suis rendu compte quand j'étais consommateur, j'ai pas toujours travaillé dans l'alimentaire, loin de là. J'ai d'abord fait comme tout le monde, j'ai mangé. Et je me suis rendu compte qu'en prenant un produit de qualité, on allait moins manger en quantité. Donc le coût, on peut le retrouver à ce niveau-là. Vous avez combien aujourd'hui à la fois de partenaires, de producteurs, de fournisseurs, de fabricants locaux? C'est votre catalogue, en gros, c'est à peu près une cinquantaine de producteurs différents. D'accord. Pour une clientèle qui est à peu près de quelle... là aussi, s'il s'agirait un petit peu d'en définir les contours. Alors, la clientèle, si on regarde le nombre d'inscrits sur le site internet, pour l'instant, je suis à peu près à 1600. 1600. Est-ce que vous avez un peu, comment dire, un peu une idée du profil des personnes qui viennent, du coup, consommer, acheter chez vous? Premièrement, ce sont des personnes qui sont intéressées pour protéger l'environnement et avoir une alimentation de qualité, mais également le gain de temps. Et quand on parle de coût, tout à l'heure, on parlait de coût, c'est le coût environnemental. Imaginons que plusieurs véhicules se déplacent vers un même endroit pour se servir. Le bilan carbone va être nettement plus élevé plutôt que d'avoir un véhicule qui va faire tout un circuit. Ah, parce que vous faites une tournée de livraison, quoi, en quelque sorte. Je fais une tournée de livraison. Donc, on peut me commander le soir avant 21h. Et le lendemain matin, je prépare les commandes et je livre l'après-midi. D'accord. Merci, Franck. Merci à vous. On va continuer ce tour de table avec Marine pour Vrac Saint-Étienne. Marine, tu peux aussi, même question, finalement. Enfin, je tutoie, je vous vois, je navigue entre les deux, mais on peut aussi se tutoyer à la table, il n'y a aucun souci. Jouons la proximité, justement. Nous définir ce qu'est Vrac Saint-Étienne. Vrac Saint-Étienne, c'est une association qui a été fondée en 2021 L'idée, c'est de faire des groupements d'achat de produits de qualité dans les quartiers populaires de la ville de Saint-Étienne. Donc aujourd'hui, on achète et on revend des produits de qualité qu'on vend à tarif subventionné. Donc 80% des adhérents, qui sont au nombre de 400 sur Saint-Étienne, achètent une alimentation à des prix inférieurs au prix coûtant. Donc c'est de l'aide alimentaire, on est une association habilitée aide alimentaire. On touche des subventions pour pouvoir proposer au cœur des quartiers, à travers les structures sociales qui existent déjà, donc les centres sociaux, les maisons de quartier, une fois par mois, des produits bruts de base, farine, miel, jus, légumineuses, riz, pâtes, en vrac, qui vont être achetés via un système de précommande par les adhérents. Et 80% de nos adhérents sont des personnes qui ont des difficultés pour s'approvisionner en alimentation de qualité. Donc ça va être des personnes, des foyers modestes, des personnes monoactives, des familles monoparentales, des petites retraites, des étudiants. Voilà, des personnes pour qui s'alimenter de qualité, c'est un défi. Et qui, pour certaines, font aussi appel à d'autres dispositifs de l'aide alimentaire, que ce soit les colis ou les épiceries sociales et solidaires, et qui viennent chercher une brique de qualité chez VRAC, puisque ça, comme c'est qu'une fois par mois et que ce n'est qu'une partie des produits qui sont vendus, elles vont bien évidemment acheter en proximité et ailleurs les fruits et les légumes, les produits frais, crèmerie, que ce soit boucherie et autres. Mais chez VRAC, elles viennent chercher une partie de leur alimentation, et notre idée, c'est de créer autour de ça un espace pour mieux manger, pour partager les pratiques et faire avancer la cause de l'alimentation saine et de qualité. Et donc on anime aussi tout un ensemble d'ateliers cuisine dans les quartiers pour voilà, se partager comment est-ce qu'on fait chacun à notre manière chez soi, selon sa culture, selon le temps qu'on a, selon ses conditions de vie. Et c'est un beau projet aussi de rencontre autour d'une alimentation durable pour toutes et tous. Oui, de nombreuses animations dans les quartiers. Donc géographiquement, là aussi, vous vous situez donc à Saint-Étienne. Oui. Mais vous êtes présent sur finalement aussi plusieurs communes. Ouais, et plusieurs quartiers et plusieurs communes. Tout à fait. Notre clé d'entrée, nous, c'est les quartiers qu'on appelle politique de la ville, les quartiers prioritaires où se concentre la précarité dans le milieu urbain. Et puis, donc on est sur le quartier de La Cotonne-Montferré, sur le quartier de Beaubrun-Tarentaise, qui est un gros quartier, mais aussi sur le quartier du Soleil depuis plus d'un an. Et on est aussi au Chambon-Feugerolles, sur le quartier de La Romière et au centre-ville, grâce à notre partenaire, le centre social Créactif. Donc à chaque fois, on a vraiment un partenaire, une structure sociale qui nous aide à arriver dans le quartier, qui nous aide à faire notre épicerie mensuelle éphémère. Et c'est grâce à eux que c'est possible, parce qu'il y a du flux, il y a de la rencontre, il y a aussi le bénévolat qui est au cœur du projet, puisque tous les adhérents sont invités à être eux-mêmes bénévoles. Il n'y a pas de bénéficiaires et d'aidants. Tout le monde se rejoint et est appelé à consommer la même qualité et à faire vivre le projet en tant que groupement d'achat participatif. Et voilà, l'idée, c'est de se développer avec la clé d'entrée des quartiers politiques de la ville, puisque c'est vraiment des quartiers dont on sait que l'accès à l'alimentation, il est compliqué, à la fois pour des raisons économiques, pour des raisons géographiques, de mobilité. Et voilà, donc plutôt qu'inventer des nouvelles structures, on va là où il y a besoin, de manière ponctuelle, puisqu'on est là qu'une fois par mois. Mais ça devient pour certaines personnes un vrai rendez-vous mensuel qu'on retrouve, et des personnes comme ça qui sont adhérents chez VRAC depuis 3 ans, dont on a vu les destins, les familles, les choix se matérialiser en cheminant ensemble comme ça autour d'une alimentation pour toutes et tous. L'aller vers, effectivement, c'est une démarche dont on entend beaucoup parler, mais je me dis, c'est pas parce qu'on s'installe dans ces quartiers que la population se sent d'abord concernée et vient forcément à vous. Peut-être d'autant plus dans ces quartiers, je ne sais pas, peut-être que c'est un préjugé de ma part que de le penser ainsi, mais quelle est justement l'observation que vous en faites, et puis de quelle manière peut-être vous pouvez rendre aussi les choses un peu plus visibles, proactives aussi sur le quartier, associer véritablement les citoyens, citoyennes, les habitants, habitantes. C'est vrai que c'est un défi de se faire connaître de façon générale. C'est un défi aussi de... Enfin, on a tous des vies bien chargées. Et c'est pas forcément nous-mêmes les premiers là où on habite. Vous qui nous écoutez, vous savez peut-être pas ce qui se passe juste à côté de chez vous. Et c'est un fait qu'on retrouve partout. Donc, pour que le projet émerge, on a besoin d'aller à la rencontre des habitants. On a besoin de se faire connaître. C'est aussi parce que VRAC, c'est un projet de précommande. Donc, il faut quand même s'organiser, commander à l'avance, puis venir récupérer au moment clé dans le mois sa commande. Donc, il y a un petit côté d'anticipation, de mettre le projet dans ses habitudes mensuelles. Et donc, ça suppose aussi qu'on soit là, qu'on rappelle qu'aujourd'hui, c'est la distribution. Là, c'est la semaine des commandes. Après la semaine des commandes, on ne peut plus commander. Par contre, on peut quand même venir à la distribution. Voilà, il y a une petite marche à franchir pour vraiment prendre le pli VRAC. Et ça, on est conscient que c'est un frein. Mais malheureusement, on ne sait pas encore gérer du système de vente directe sans précommande. Et pour rejoindre les publics, nous, notre expérience, c'est qu'il faut venir avec vraiment l'envie juste de les rejoindre, de les rencontrer, pas tant de leur pousser le projet, parce qu'en plus, comme on est une association à but non lucratif, notre projet, c'est pas de grossir, c'est pas de croître à tout prix, c'est vraiment d'être là où on a besoin de nous. Et donc plutôt de se mettre dans une posture de rencontres. C'est comment pour vous aujourd'hui consommer dans le quartier ? Est-ce que vous avez des difficultés ? Est-ce que vous avez des choses que vous aimez dans ce quartier ? Qu'est-ce que vous ne trouvez pas ? Qu'est-ce que vous y trouvez ? Sachez que nous, VRAC, on propose ça. Est-ce que vous connaissez ces produits ? Est-ce que vous les consommez ? Est-ce que vous les trouvez ailleurs ? Est-ce que vous les trouvez à votre prix ? Et c'est plutôt cette démarche-là qui va nous aider à vraiment rencontrer les gens. Et coupler ça avec aussi des animations. Et donc, par exemple, on développe, grâce à Chloé qui porte ça dans l'association, tout un projet d'aller vers culinaire où on va faire la cuisine ensemble. Vous connaissez peut-être le concept de disco soupe où on cuisine ensemble après un marché, des légumes, et puis on fait une énorme soupe qu'on donne gratuitement aux chalands. Et bien là, l'idée, c'est de faire un peu la même chose, de développer des dispositifs de cuisine en extérieur pour faire avec les habitants, faire goûter aux habitants, recevoir leur réception. Vous la travaillez comment, cette céréale? On a fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez cette recette? Racontez-nous, c'est quoi votre recette à vous à partir de ce produit brut? Et c'est vraiment comme ça que le lien s'établit. Oui, j'ai vu qu'il y avait une disco sup prochaine justement sur le quartier du Soleil. Tout à fait, le 3 décembre. Fin d'année, le 3 décembre. Merci Marine. Alors là aussi, tu as parlé de plusieurs communes, plusieurs quartiers, en termes de population justement aussi, là où de voilà, personnes concernées, touchées en tout cas, en gros ça représente... quantitativement, je dirais, à peu près combien de personnes ? Alors, il y a 400 adhérents chez VRAC, ça veut dire 400 foyers, donc on multiplie par 3 en général pour avoir un peu notre moyenne de personnes touchées, puisqu'il y a en moyenne 3 personnes dans les foyers. Donc, on est autour de 1200, 1400 personnes qui sont touchées par l'association. L'idée de VRAC, c'est de pas forcer la consommation, donc on n'est pas obligé de venir consommer chaque mois. Donc, il y a des personnes qu'on voit 2-3 fois dans l'année, des personnes qu'on voit tous les mois. À chaque distribution, elles sont présentes, elles ont commandé, elles viennent chercher leurs produits. Et ça dépend un peu des quartiers. Il y a des quartiers, le quartier historique où on est présente, c'est Beaubrun-Tarentaise. Là, c'est plutôt pas loin d'une centaine de personnes qui viennent chaque mois commander. Tandis que le quartier du Soleil ou le quartier de la Cotonne ou le quartier du Chambon-Centreville, c'est plutôt autour de 30-40 personnes qui viennent. Et ça nous dérange pas mal que ce soit pas forcément des gros volumes, parce que ce qu'on veut aussi faire vivre au moment de l'épicerie, c'est un moment de rencontre et de convivialité. Et donc on est bien soucieux que le lien, que la rencontre entre les personnes d'un même quartier qui consomment des produits au sein d'un même catalogue, des produits différents et de manière différente, puissent se faire. Voilà, donc c'est en moyenne 200 commandes par mois. D'accord. Aujourd'hui à Saint-Étienne Métropole. Et donc vous gérez la logistique, vous coordonnez en fait ces commandes et la distribution avec la participation souhaitée de tous et toutes. Vous avez ces finalement aussi points d'appui donc, qui sont aussi très repérés dans les quartiers, qui peuvent être les centres sociaux et autres, qui bien sûr sont très utiles j'imagine dans votre démarche, aussi pour faciliter, c'est aussi facilitateur ou en tout cas des structures facilitatrices de liens, d'informations, de connexions, etc. Autre question portant sur la provenance des produits. Là aussi, du coup, vous, comment procédez-vous à la fois pour vous fournir auprès de bons produits, j'imagine parce que c'est un critère aussi que de distribuer une alimentation de qualité, mais aussi accessible et abordable, ce qui n'est pas chose évidente pour cette population concernée qui, de fait, est concerné par la géographie prioritaire dont tu parlais tout à l'heure, qui est un indicateur d'un seuil de pauvreté sur ces zones et ces secteurs-là. Complètement. Juste pour un tout petit rappel, les quartiers prioritaires politiques de la ville, donc c'est là où se concentre la précarité, par rapport au taux de pauvreté moyen en France qui est autour de 15%, dans les quartiers qu'on appelle QPV, donc quartiers politiques de la ville, c'est plutôt autour de 44%, avec des taux de chômage, des taux de pauvreté qui sont élevés. Et puis par ailleurs, sur la question de la précarité alimentaire, c'est quand même une réalité qu'il y a beaucoup de gens qui, en France, qui n'arrivent pas à s'alimenter comme ils aimeraient. Donc je regardais les statistiques récemment là, mais il y a près de 4 personnes sur 10 qui déclarent, en France, qui déclarent manger, se restreindre en fait dans leur choix alimentaire pour des raisons financières. Il y a entre 5 et 7 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, et il y a un Français sur 6, entre un Français sur 10 et un Français sur 6 qui déclare ne pas manger à sa faim. Donc c'est un vrai sujet en fait, la question de l'accessibilité. Absolument. Qui se concentre dans les quartiers populaires bien sûr, mais qui se retrouve aussi de manière générale, et pas que dans les villes, aussi en milieu rural et autres. Donc c'est vrai que nous c'est un enjeu important pour nous de créer cette accessibilité, et en fait on le fait en faisant cet arbitrage entre le prix et la qualité. Pour répondre un peu à la question de la qualité que tu avais posée à Franck, c'est sûr que le label bio, il est important parce qu'il est quand même gage d'une alimentation qui est la moins toxique possible au sens présence de pesticides, herbicides, fongicides et autres. Donc on a quand même ce label-là comme un point d'indicateur, et il y a 80% de notre approvisionnement qui est en bio. D'accord. On a quand même aussi la question de la proximité, parce que comme toi Franck, on aime le local et on sait que dans la Loire et dans les départements limitrophes, on fait des très très belles choses. Il y a vraiment des très belles productions dans tous les registres. Donc il y a un produit sur 6 qui vient de la Loire au catalogue, il y a un produit sur 2 qui vient de la région, au RAS. Et puis après, l'idée c'est aussi de vendre en vrac pour se passer du coût des emballages. Donc on demande aux adhérents de venir avec leurs contenants, leurs Tupperware, leurs sachets, leurs bocaux, pour récupérer les produits et se passer du prix de l'emballage. Et puis le projet vrac, c'est de massifier, donc d'acheter en gros des palettes ensuite, qui sont ensuite rebasculées en lot intermédiaire, puis ensuite vendues au détail dans le centre social. Mais comme on achète en gros, on peut se permettre des prix plus intéressants. Ça n'empêche qu'il y a des produits qu'on ne vend parfois plus parce que le coût augmente. Donc je vous prends un exemple concret. La noisette, c'est un produit qui est beaucoup aimé par nos adhérents. Les prix ont explosé. On se demande un peu si c'est pas en lien aussi avec des questions sur les modes de production et l'interdiction de certains pesticides. Et en bio, la noisette, elle a vraiment pris beaucoup de prix. Elle a pris une grosse hausse des prix. Et donc on peut plus la proposer. Donc on attend qu'elle rebaisse pour la proposer parce qu'on sait que sinon ça va devenir un produit de luxe sur le catalogue. Et on a envie que ça reste très accessible. Mais malgré tout, je pose la question à nouveau. Dernière question, Marine, pour Vrac, c'est on a compris la démarche écologique aussi, c'est-à-dire limitation des emballages, réduction des intermédiaires, produits de qualité issus du bio en grande partie, mais aussi agriculture paysanne, équitable, voilà. Quel impact sur le prix, le coût du produit ? Alors, en fait, nous, on a des prix quand même très compétitifs pour deux raisons. Donc la première, c'est que comme on paye, on fait à peine, juste pour vous redonner le topo, c'est que donc il y a trois tarifs chez Vrac. Il y a un tarif qu'on appelle le tarif quartier qui représente 60% des adhérents, qui est un tarif à moins 10% du prix coûtant. D'accord. Donc ça veut dire qu'on est subventionné, et notamment c'est fonds de l'État qui nous permettent de vendre à moins 10% pour 60% de nos adhérents et à moins 50% pour 20% de nos adhérents. Donc 80% de nos adhérents payent à un prix inférieur au prix coûtant. Et il y a une partie de nos adhérents qui payent une marge de 15% parce qu'ils ne sont pas concernés par des problèmes d'accès à l'alimentation de qualité. Et donc, voilà, ils payent une marge qui est quand même assez minime par rapport aux marges pratiquées par les commerces conventionnels. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse se retrouver autour de la même qualité. Mais notre prix, il est vraiment rendu accessible par ces subventions. C'est clair que si on enlève cet argent de l'État qui nous permet de proposer à un prix subventionné, on va être moins compétitif. Mais tout de même, c'est quand même intéressant de regarder que même si on vendait à plus 15%, on resterait quand même assez compétitif parce que c'est vrai qu'il y a la notion de marge et d'intermédiaire sur le commerce traditionnel. Et en fait, quand on enlève le coût d'un magasin, le coût des salariés, parce que nous, on repose beaucoup sur le bénévolat, on peut quand même avoir des prix intéressants. C'était le sens de ma question, de comme vous êtes aussi en géographie politique de la ville, de savoir s'il y avait, on sait qu'il y a des fléchages en termes de financement et autres, et si cela pouvait intervenir aussi justement, en tout cas partiellement, dans aussi le coût du produit et de l'achat possible. Mais ce qui veut dire que, vu les différentes catégories de prix, oui. Juste dernière question, vous devez déterminer géographiquement de la résidence des personnes et autres qui viennent. Ouais, alors on veut la démarche la moins intrusive possible, parce qu'on n'a pas du tout envie de rentrer dans le quotidien des gens, dans leur vie personnelle. Mais voilà, on demande l'adresse à partir du moment où ils sont résidents du quartier politique de la ville ou locataires HLM ou selon leur quotient familial s'ils n'ont pas de. D'accord. On oriente un petit peu en fonction du tarif. L'idée étant que tout le monde puisse vraiment avoir accès à une même qualité, tout en étant conscient des réalités différentes au sein des mêmes quartiers. Voilà. Très bien. On va continuer ce tour de table. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, forcément, mais on va tenter après de revenir, de faire rebond sur les interventions des unes et des autres. On poursuit avec Fred pour Biocoop. Biocoop, les artisans. Alors là, on est sur la vallée de l'Ondaine. On est à Firminy, mais tu vas nous préciser justement cette nuance entre artisans, Biocoop, etc. Là aussi, petite en présentation, Fred. Allez, avec plaisir. Du coup, il faudra me faire très vite des grands signes si je prends trop de temps, parce qu'en fait, les sujets qu'on aborde sont des sujets éminemment complexes, absolument, éminemment profonds et en plus terriblement intéressants. Et c'est des enjeux majeurs pour notre société, ça, c'est clair. Et du coup, je suis ravi de participer à cette table ronde avec deux interlocuteurs dont je partage totalement la vision, le parti pris. Biocoop, les artisans. C'est deux choses qui sont accolées. Alors, pour le coup, il n'y a ni antagonisme, ni. C'est une espèce de suite logique. J'étais en train de réfléchir pendant que vous parliez. Est-ce que je commence par le territoire, donc les artisans, et je remonte vers Biocoop ou je fais l'inverse? Je ne sais toujours pas, donc je vais me lancer. Biocoop. Tu veux que je t'aide? C'est gentil, merci. J'allais te tendre cette perche-là. On commence par Biocoop et on redescend sur Firme. Écoute, je prends carrément le contre-pied. Je vais, je, je vais commencer par les artisans, il y a une logique. Les artisans, magasins fondés sur le territoire de la vallée de l'Andenne par des consommateurs, il y a 16 ou 17 ans, je suis assez fâché avec les dates, donc pardonnez-moi l'imprécision. C'est des consommateurs, des producteurs qui se sont fédérés autour d'un projet d'amener de l'agriculture bio, paysanne, solidaire sur le territoire de l'Andenne. C'est un collectif qui est en SCOP, donc société coopérative ouvrière de production. C'est les salariés qui sont les maîtres de leur outil de travail. Ils sont accompagnés par une SIC, Artisol, dans lequel l'ensemble des consommateurs et des producteurs qui nous accompagnent, qui possèdent le capital de notre épicerie et boulangerie, présente sur le salon Tatou Juste, en train de faire des falafels actuellement, et qui sont les parties prenantes et les moteurs en fait de notre projet sur le territoire. On est en co-gérance, on a un parti pris social très fort en termes d'insertion, d'implication sur le territoire et d'association à toutes les alternatives, que ce soit recyclage, réemploi, compost, accompagnement des personnes éloignées de l'emploi. On a à cœur d'être un acteur implanté sur notre territoire et apportant de la valeur sur ce territoire. Donc moi-même je suis boulanger chez les artisans, j'étais presque puisque dans le jeu coopératif de notre coopérative Biocoop nationale, je pense qu'on est relativement connu aujourd'hui, il faut qu'il y ait des gens qui fassent fonctionner cette coopérative en une gouvernance chez Biocoop très complexe. Je suis administrateur de la coopérative au niveau national, j'en suis même le vice-président, un des deux vice-présidents, et Biocoop c'est la même chose, c'est développer, promouvoir l'agriculture biologique dans un esprit d'équité et de coopération. Et dans ce parti pris que nous déclinons, à l'inverse d'initiatives qui peuvent être soutenues par les pouvoirs publics, c'est un objet économique indépendant qui œuvre dans le cadre de notre charte que j'ai définie, avec des engagements très précis et factualisés, pas le bon mot, mais en tout cas contractualisés au travers du cahier des charges AB, qui, qu'on le veuille ou non, est le seul outil public qui certifie une démarche dont les effets positifs pour la santé et l'environnement sont avérés. Et on s'engage aussi sur d'autres critères qui sont pas de travailleurs détachés, pas de transport par avion, priorité au local, etc. Donc les artisans, c'est à peu près une grosse centaine de producteurs locaux, dont certains sont associés au magasin. Au niveau national, Biocoop, c'est à peu près 15% d'approvisionnement local. C'est vraiment énorme, c'est 1 à 2% dans la grande distribution. Voilà pour une présentation rapide de ce très grand projet qui part des territoires et remonte au niveau national. Oui, et puis assez historique. On avait déjà eu l'occasion aussi de partager l'expérience artisan sur nos antennes. Juste, tu parlais finalement d'une filière assez sécurisée. De par l'aspect contractuel dont tu parlais, ou de charte en quelque sorte, comment cela permet-il de aussi maîtriser les prix, quoi, finalement? Et là, comment, à nouveau, je repose un peu cette même question. Ce sujet-là qu'on évoque et autour duquel on tourne est hyper important. Sur le territoire, on a historiquement, on avait les arcades au centre de Saint-Thé, on avait le bar à banque qui a fermé récemment, et puis Firmini, il y a une quinzaine d'années qui s'est installé. Si on repart sur cette thématique du prix, ce que j'aime bien, c'est rappeler qu'il faudrait la prendre au bon endroit, et qu'aujourd'hui, malheureusement, avec tout le respect que j'ai pour les initiatives qui sont aider entre guillemets, pour moi ce n'est pas la solution. Ça fait le jeu de la grande distribution, ça fait le jeu de l'aumône, et je pense par exemple aux initiatives comme les caisses de sécurité de l'alimentation, qui ont une démarche hyper vertueuse avec un truc hyper important, c'est la réappropriation de l'alimentation par l'individu. Et donc c'est un peu aussi ce que vous faites chez Vrac. Je trouve ça hyper important. On retrouve de la fierté à consommer, à acheter. Je ferme cette parenthèse sur la CSA pour aller sur le prix et la valeur. Je vous raconte un peu l'histoire. Alors là, je me mets un peu au niveau national. L'histoire du prix en ce moment en bio. On a des prix qui se rapprochent dans beaucoup de catégories, qui se rapprochent du conventionnel. Bon, on connaît l'état du monde, on connaît l'état de la planète. L'alimentation va coûter de plus en plus cher. Les intrants, etc., sont de plus en plus importants pour déterminer le coût des produits. Et on a un tout petit moment de marché. Vous avez entendu parler de la crise du bio. On a un tout petit moment de marché. Alors, c'est vraiment notre monde moderne et capitaliste, qui fait que, y a une demande un peu moins forte en bio. et une production qui est identique. Et là, les prix ont fortement chuté, ce qui fait que nous, on peut revendiquer, en travaillant en tant que bon commerçant, on peut aligner des prix relativement intéressants pour la valeur qu'il y a dans le produit. Mais même intrinsèquement, il y a des produits sur les oranges, sur des choses comme ça, où on arrive à des prix qui sont... J'étais encore chez Intermarché à acheter des éponges hier. Je vois des produits qui sont sensiblement au même prix que ce qu'on trouve chez Biocoop. Donc, la traduction de ça, c'est que construire le prix et l'accessibilité d'une alimentation, si aujourd'hui il faut des palliatifs comme les initiatives qui sont aidées par l'État, les lois et les règles de marché viennent de nous dire qu'un engagement politique, sociétal, autour d'une alimentation de qualité rendrait de fait l'alimentation accessible. C'est pas un sujet de la bio c'est trop cher, le local c'est trop cher, non. C'est un sujet d'engagement de société, où est-ce qu'on met notre argent, où est-ce qu'on met ces subventions, où est-ce qu'on met ces moyens pour justement dire ce n'est pas une question, on produit massivement en bio et donc on rend les produits accessibles et on s'impose en fait différentes règles qui font que ces produits deviennent accessibles. Est-ce que, simplement, parce que moi je n'ai pas la possibilité de vérifier la véracité de ce que tu défends à l'instant, vous confirmez que le prix du bio est à hauteur du conventionnel aujourd'hui? Parce que ça, c'est quelque chose qui m'étonne assez, finalement, de ce constat et cette observation-là, Fred, sans t'offenser, hein, mais... Bah, je pense Marine, enfin, je ne conteste pas ton vécu. Je pense que sur certaines filières, c'est le cas. Il y a cette idée un peu de moment de marché quand même. C'est-à-dire que ouais, comme c'est conjoncturel, il y a une baisse de la demande aussi peut-être. Donc ça, forcément, ça a un effet de marché. Ça baisse le prix. Mais il faut quand même reconnaître que le cahier des charges bio étant plus exigeant, il est quand même plus cher à produire. C'est plus compliqué pour les éleveurs, les producteurs, productrices d'offrir la même qualité au même coût, quoi. Et il faut quand même le dire, c'est important, c'est un peu l'éléphant au milieu de cette pièce, c'est que l'agriculture conventionnelle est très très subventionnée. Donc on cache aussi le coût d'une agriculture qui en fait est très subventionnée pour acheter des intrants, des produits qui viennent du Brésil pour nourrir l'élevage, etc. Donc les dés sont un peu pipés si on regarde que le prix du bio, sans regarder le coût caché de l'alimentation conventionnelle. Coup, hyper important, hein, donc je précise bien mon propos, je dis juste que aujourd'hui on observe qu'avec une légère déprise du marché, on est passé de 12 milliards je crois à un peu moins de 11 milliards 5 je crois sur la bio, sur l'ensemble du territoire. Avec ce tout petit événement économique, les mécanismes de marché font que c'est très accessible et qu'on arrive à travailler des prix, mais pas pour les bonnes raisons, je suis d'accord avec toi. La valeur et la difficulté, enfin le fait que produire en bio est plus complexe, donc il y a plus de valeur dans le produit, il y a moins d'effets négatifs sur notre environnement, sur notre santé, ça devrait être pris en compte, ça ne l'est pas aujourd'hui. Mais néanmoins, ce tout petit phénomène fait que déjà les prix deviennent très accessibles et il y a vraiment eu une décrue, et puis on a un marché qui a augmenté aussi, mine de rien, je crois qu'on est passé de 5 à 12 milliards en quelques années, ce qui fait que c'est aussi devenu plus accessible. Et donc on a su rendre accessibles les machines à laver, on sait rendre accessible l'agriculture biologique, je veux dire, c'est une évidence. Donc il faut mettre les moyens pour le faire, et ça, c'est vraiment une question d'engagement sociétal. D'accord. Et donc je précise bien que je ne parle pas de l'ensemble des produits bio, oui. Je parle bien de... aujourd'hui, on arrive sur certaines catégories à avoir des prix qui sont relativement proches. Sur certains produits. Et comment vous arrivez à observer aux artisans aussi peut-être... un changement de comportement peut-être, et donc du coup de clientèle, ou peut-être profil de clientèle, de qui vous touchez finalement, Infirmini? Aujourd'hui on est plus populaire et plus populaire et plus accessible que ça a été, et puis on a aussi de la notoriété qui a augmenté, donc en fait on est devenu un endroit où on vient chercher des produits spécifiques parce que de qualité, parce que justement bon pour la santé, donc on va toucher des publics comme les personnes, les familles qui viennent d'avoir leurs premiers enfants, qui commencent à faire une démarche liée à l'alimentation, à la santé, etc. Et puis on garde une clientèle de personnes qui souhaitent agir positivement par leur acte de consommation. Ça, c'est vraiment le cœur de la clientèle de Biocoop et des artisans en particulier. Pour évoquer les statuts, tu parlais de scope pour le Biocoop les artisans. On a parlé de... Alors, c'est plutôt associatif pour VRAC. Association de loi 1901, voilà. Habilité aide alimentaire. Ouais. C'est ça. Et pour la Bauche du Forêt, on l'a pas. La Bauche du Forêt, il s'agit d'une SASU. Tout simplement, une société par action simplifiée. D'accord. Ok, c'était pour aussi avoir l'idée du... Alors pour revenir quand même sur les prix du bio par rapport au conventionnel, j'ai déjà pu constater même certains prix en fruits et légumes plus élevés en conventionnel qu'en bio. On peut le retrouver sur le lait, ces temps-ci, c'est la grosse crise. Sur, et par exemple, et puis il faut savoir où est-ce qu'on se place, côté consommateur ou côté producteur. Côté producteur, donc je rappelle, Biocoop, les artisans et Biocoop National, les producteurs sont associés en fait à notre projet, ils sont coopérateurs de nos coopératives. Sur le porc, par exemple, le marché est si catastrophique, la production a baissé de manière globale, le prix conventionnel a augmenté, mais mieux valorisé. Aujourd'hui, beaucoup de producteurs de porc en bio vendent au même prix que le conventionnel leurs bêtes. Voilà. C'est quand même ça, c'est quand même phénoménal. Je dis pas que c'est juste, je dis pas que c'est bien. Je dis juste que si un effet de marché est capable, je pense qu'un effet de société est capable de rendre tout ça accessible. C'est pas que je pense. C'est que je suis persuadé que c'est possible. Si on met les subventions et l'argent public et les moyens au bon endroit, qu'on accompagne la production, les producteurs veulent produire du bio. C'est 80% d'après le Shift Project, plus de 80% des producteurs veulent produire en bio. 50% des dossiers d'installation en agriculture, c'est des projets en bio. Les consommateurs, ils l'ont dit, ils l'ont manifesté. C'était loi du plomb, 2 millions de personnes qui disent nous, on veut pas de saleté dans notre alimentation. Moi, je trouverais intéressant qu'on mette justement les moyens au bon endroit pour répondre à nos aspirations sociétales. Bien sûr, et je pense qu'il ne s'agit surtout pas là d'ailleurs de critiquer quelques pratiques que ce soit, conventionnelles ou non. Très clair. Et d'être plus virulent ou critique envers certaines démarches ou autres. On l'a entendu à plusieurs reprises, je pense que l'agriculture au sens large. Le secteur, les agriculteurs, on l'a entendu dans d'autres tables rondes, veulent bien faire. Ce n'est pas des gens mal intentionnés hein, que de dire je vais mal nourrir ou je vais bien nourrir. Ou, voilà. L'idée serait plus en effet d'avoir une réflexion un peu globale et une démarche peut-être un peu plus, pas uniforme, mais en tout cas qui aille dans le même sens. Mais là, quelque chose que je maîtrise assez mal, mais que vous avez pointé, il me semble, il y a cette considération assez large, assez générale finalement, qui va à la fois, alors on parle du consommateur un peu direct là, mais en fait, il y a effectivement toute cette chaîne. On va de la production à l'assiette, quoi, finalement, à la consommation. Et c'est là-dessus aussi où se jouent un petit peu les choses sur la transparence, justement. Tout ce que vous évoquez là, que vous maîtrisez parce que vous êtes au cœur de ce monde-là. Mais en fait, il y a cette question de transparence aussi à avoir sur les prix. C'est-à-dire que c'est là aussi où on peut se questionner en tant que consommateur-consommatrice. C'est-à-dire que quel est le coût, effectivement, de production quand on est, effectivement, dans une démarche qui est ultra subventionnée, une autre où on a un cahier des charges ultra exigeant et qui peut être un obstacle et voire un coût également aussi. Pour quel revenu, finalement, je parle des producteurs là, les taxes, les intermédiaires. Enfin, là-dessus, il y a une espèce aussi un peu de flou et de choses qui n'est pas toujours très transparente et très visible. Mais cependant, vos démarches à vous tentent de clarifier un peu. Est-ce que vous pourriez développer sur ce point ? Je pense à la Bauche du Forêt parce que justement, vous êtes une plateforme, vous êtes un e-commerce, donc vous n'avez pas de charge, je dirais, de local, par exemple, donc pas d'intermédiaire. Comment ça fonctionne, quoi ? Alors, je n'ai pas de charge de local. Enfin, j'ai quand même un local, un entrepôt de stockage. En revanche, c'est compensé par d'autres charges, celle du transport, puisque je livre à domicile. Et c'est une charge qui est quand même assez considérable. Il y a également le fait d'aller chercher les produits chez les producteurs. Certains me livrent, d'autres, non, il faut que je me déplace. Tout simplement parce que je n'ai pas non plus de grosses quantités de commandes. J'essaye de répondre vraiment en flux tendu. Pour la clientèle et afin d'apporter les produits les plus frais possibles. Mais je pense que ça compense largement le coût d'un magasin. D'accord. Merci Franck. Marine, sur cette même question. Ouais, du côté de la transparence, nous ce qu'on fait déjà, c'est qu'on affiche sur le catalogue le prix d'achat. Donc c'est assez clair pour nos adhérents, qu'est-ce qui se joue. La marge de 15% pour les adhérents qu'on appelle solidaires, ils ont bien conscience d'où on part et qu'est-ce qu'on gagne. Et c'est assez peu au global, parce que le nombre d'adhérents solidaires est plafonné aussi chez Vrac pour que ce soit vraiment un projet pour les foyers pour qui l'alimentation de qualité est un défi. L'autre chose qu'on fait aussi, c'est que comme on est une association, on donne beaucoup de transparence sur nos coûts, etc. À chaque assemblée générale, on révèle un petit peu quels sont nos coûts d'investissement, nos coûts de masse salariale. Enfin voilà, il y a vraiment une sorte de transparence sur le modèle et donc l'enjeu prix des produits versus prix auquel ils sont vendus. Je crois que la chose sur laquelle on travaille le plus pour qui est peut-être moins un enjeu de transparence, mais un enjeu de prise de conscience et de rapprochement entre la production et la consommation, c'est que on développe des visites producteurs. Donc on propose aux habitants des quartiers populaires de venir avec nous à la rencontre de nos producteurs. Donc on n'était pas plus tard que le mois dernier à Macla dans le 42 avec le Fruitness Club, qui est un verger en production durable, à découvrir la production de la pomme du Pilat, comment ça se passe cette variété ancienne, quelle différence entre un cahier des charges bio et non bio, et on amène les adhérents à vivre ça pour développer une conscience de qu'est-ce que c'est que produire, qu'est-ce que c'est que produire de manière durable, responsable, quelles sont les contraintes aussi qui y sont associées, et favoriser en fait, de par cette prise de conscience, une acceptation de la question d'un surcoût de certains produits de qualité. Parce que sinon, c'est vrai que si le prix est le seul indicateur, alors on risque fort de mal manger au nom du prix, sans savoir tout ce que recouvre une production très subventionnée, très grasse, très sucrée, très transformée, etc. Donc on essaie aussi de travailler cette question de la prise de conscience, qui est inégalement répartie, mais qui n'empêche pas que dans les quartiers populaires, il y a des militants de la première heure, mais il y a aussi des gens pour qui révéler ce qu'est aujourd'hui l'agriculture dans ses défis, c'est un enjeu et c'est un vrai besoin pour que ça reconnecte ensuite au niveau de l'assiette et des choix de consommation à la maison. Belle démarche. Fred. Du coup, ce que tu dis me fait penser à une info. J'aime bien les faits, quoi. Je crois qu'il ne faut pas citer de marque, hein, peut-être. J'en sais rien. On peut éviter, mais ça peut justifier. Allez, hop, on évite. C'est, on a bien cité Biocoop. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ben, allez, je cite un concurrent. Alors, Leclerc, 640 millions d'euros de budget publicitaire par an. Donc, forcément, tu parlais d'information, de sensibilisation. Si le choix est porté sur le prix, ou je ne sais quel combat, ce qui est le cas de cette marque, forcément c'est un énorme budget pour donner aux gens une orientation dans leur choix, etc. Donc effectivement, il y a la sensibilisation, il y a aussi le rôle des pouvoirs publics, le cadrage, etc. Je reviens quand même vachement là-dessus. Une façon de faire de la transparence, c'est aussi de rendre partie prenante en fait tous les personnes sur la chaîne de valeur, de la fourche jusqu'à la fourchette. Donc c'est ce grand écart, et je ne dirai jamais, n'en déplaise à mes accompagnants communicants, que Biocoop est parfait. En revanche, nous on a l'ambition autour d'un objet économique de mettre du producteur jusqu'au consommateur, les gens au conseil d'administration, dans nos centres de décision, dans notre gouvernance, pour justement travailler. Et c'est pas toujours évident, parce qu'il faut bien considérer qu'un producteur a un parti pris antagoniste avec le distributeur qui veut acheter le moins cher possible, entre guillemets, le producteur vend le plus cher possible, et un consommateur qui lui veut aussi avoir un prix le plus accessible possible. Ben, c'est vraiment l'objectif, c'est autour d'un objet économique comme la coopérative Biocoop, c'est de décider ensemble de comment on vit cette transparence. Un des véhicules qui aujourd'hui, un peu comme sur la transition écologique, l'agriculture bio, c'est quand même un véhicule qui est clair, net, précis, cadré, réglementé. Le commerce équitable est vraiment hyper intéressant, parce qu'il y a une démarche, et on n'est pas sec du tout hein, sur le commerce équitable Nord-Nord. On n'arrive pas à trouver les bons mécanismes pour justement établir le juste prix, etc. C'est un vrai défi. Par contre, c'est là-dedans qu'on va trouver la façon de rémunérer correctement les producteurs, en tout cas toute la chaîne de valeur. Alors, je vais essayer d'être clair pour poursuivre sur une autre question, parce que la démarche de compréhension, d'information, elle est super importante. On l'a bien entendu et comprise, et qui ne s'adresse pas qu'à un public en particulier. Il ne s'agit pas d'ailleurs de stigmatiser qui que ce soit. C'est une vraie culture, en fait, aussi, l'alimentation. Je parle de culture avec un grand C. De comprendre ce qu'on mange, c'est important. Et on se dit qu'il y a ce travail-là à faire. Alors ça en serait peut-être son point fort. Son point faible ou sa limite, c'est qu'est-ce qui fait que ce n'est pas encore accessible à tous et toutes. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur la transparence, l'information, et c'est le cas de ce qu'on nomme les circuits courts, la vente directe, où finalement on a le producteur devant soi, on a toute la transparence que l'on veut, puisqu'on peut s'adresser à lui ou à elle. On peut en demander tous les tenants aboutissants de la production, de comprendre, d'avoir... Voilà. Il va, ceci dit, ça ne va pas forcément s'adresser à tout le monde, en tout cas faciliter la démarche de faire ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des blocages et que tout le monde ne se rend pas à un magasin de producteurs à côté de chez soi, ou défendre telle et telle démarche, justement, puisqu'on en a la transparence, contrairement à un supermarché où on y va et on a ça sous 1000 emballages et qu'on aucune lisibilité. Enfin voilà, il y a encore des points de blocage, des points de limite. Comment, voilà, vous pourriez peut-être réagir ou revenir sur ces points? Alors pour le fait de ne pas avoir toujours à portée de main un producteur, un magasin de producteurs, c'est pour ça que la Bauge du Forêt existe. C'est qu'il faut aussi penser aux personnes qui n'en ont pas la possibilité de se déplacer, que ce soit parce qu'ils sont en situation de handicap, que ce soit parce qu'ils n'ont pas le temps, ou pas envie. Ça peut arriver de ne pas avoir envie de bouger, ou de ne pas avoir les moyens de se déplacer. Donc c'est aussi le parti pris de la Bauge du Forêt, d'offrir le moyen d'avoir des produits locaux, de qualité, bio pour la plupart du temps, livré à domicile. Et ce, dans les horaires qu'on aura choisis. Marine ? Donc dans ta question, pour moi, il y a la question de l'accessibilité géographique et après, il y aura quand même la question de l'accessibilité prix. Au niveau de l'accessibilité géographique, ce qu'on peut quand même considérer, c'est, moi je parle plutôt des quartiers populaires parce que c'est là qu'on travaille en priorité avec VRAC. Il y a quand même un sujet sur la mobilité qui est très contrainte. Hein. Il n'y a pas le bus partout, le tram. Les personnes n'ont pas forcément de voiture pour pouvoir se déplacer, aller là où elles aimeraient consommer. Il n'y a pas forcément de lien préétabli avec la production. C'est d'ailleurs moi quelque chose que je constate à titre personnel, que avoir dans son réseau un producteur qu'on connaît, chez qui on achète, c'est un luxe un peu. Tout le monde n'a pas cette connexion avec la production. Et donc, voilà, il y a un peu un défi de comment s'approvisionner près de chez soi quand on n'est pas en capacité d'aller très loin de chez soi. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet... Sans te couper, mais qui n'est pas toujours que ce cas-là. C'est-à-dire que, je prends les AMAP, par exemple. Ouais. Agriculture pour le maintien de l'agriculture, l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne, qui vont aussi sur les quartiers de la ville. Mmh. Et donc, la démarche était justement aussi d'aller vers... Mais c'est pas pour ça que les habitants et habitantes de ces quartiers-là, populaires bien souvent, d'ailleurs, dans nos villes, se rendent sur les AMAP. C'est là que je parlais de barrières qui fait que certaines populations aussi ne viennent pas forcément facilement, en tout cas, se rendre sur ces lieux ou espaces possibles. C'est marrant d'ailleurs que tu prennes cet exemple, Lionel, parce que c'est comme ça qu'a été fondée l'association VRAC au démarrage. C'est donc à Villeurbanne en 2014. Le gérant d'un bar monte une AMAP dans son bar et se rend compte qu'entre les personnes du quartier, qui est un quartier populaire, qui viennent prendre des cafés et boire des canons, et les personnes qui viennent à la MAP, c'est bien deux réalités de personnes différentes. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on lève ce frein ? Donc, lui, ce qu'il fait, c'est un certain Boris Tavernier qui monte ça, il va voir les structures sociales du quartier et dit, comment on fait pour que les personnes demain, ce soient les mêmes qui viennent consommer les légumes et le café ? Et il se rend compte que, il ne faut pas forcément inventer un magasin, mais il faut créer quelque chose dans les lieux qu'elles fréquentent déjà et travailler la question de l'accessibilité prix. Donc, c'est mon deuxième point quand même. Aujourd'hui, il y a quand même une réalité que quand on a un niveau de revenu très contraint, quand on est en situation de précarité, la question alimentaire, ça va être une variable d'ajustement, c'est clair, mais c'est vraiment une évidence. Hein, je veux dire, on va rogner sur ce qu'on aimerait manger pour manger à sa faim. Et donc, il y a un énorme sujet sur comment est-ce qu'on favorise une alimentation de qualité, à la fois en termes d'exposition, et c'est vrai que quand on pensait à une pub alimentaire, et vraiment, est-ce que c'est du bio ? Est-ce que c'est du frais ? Est-ce que c'est du peu transformé que vous avez en tête ? A priori, non. Ce qui est vraiment valorisé, c'est de l'ultra transformé, des produits importés, très coûteux pour l'environnement, etc. Donc il y a un vrai enjeu sur comment est-ce qu'on donne à avoir envie et accès au niveau prix à une alimentation qui est saine. Et donc pour nous, une des clés, c'est de revenir sur des produits bruts qui vont être non transformés et donc on ne va pas payer le processus de transformation, qui vont être sans emballage, donc on ne va pas payer l'emballage, et qui vont respecter, et ça c'est un enjeu important, les valeurs et les goûts, les appétences et la culture des personnes. Et donc c'est pour ça que nous, notre catalogue chez VRAC, c'est très large. Ça va du riz complet au riz blanc, de toutes sortes de légumineuses, des fruits secs, des fruits à coque, des choses qui vont se retrouver dans l'alimentation de plein de personnes selon leur chemin de vie, selon leur goût et leurs pratiques. Mais pour que finalement ça se concrétise, il y a quand même un sujet sur créer une accessibilité du prix, parce qu'aujourd'hui c'est quand même, le bio est encore perçu comme quelque chose de cher. Il y a aussi parfois, il faut quand même le souligner, certains freins psychologiques. Certaines populations ne se sentent pas encore tout à fait à leur place dans un magasin bio, et je sais que Biocop travaille à ça activement, parce qu'il y a un vrai enjeu à ce que chacun soit bienvenu dans ces lieux de consommation un peu spécialisés, et que même si je ne sais pas ce que veut dire quinoa, ou si je ne connais pas certains compléments alimentaires, soit accompagné pour que je me sente tout à fait chez moi dans cet endroit, et que je puisse aussi interpeller, c'est marrant, il n'y a pas ce truc-là que moi j'utilise au quotidien, comment est-ce que demain on le retrouve à la Biocop. Donc voilà, pour moi l'enjeu prix reste central dans l'essaimage et dans le développement de cette alimentation de qualité. Et ça, évidemment, les acteurs privés ont leur rôle dans le fait de, voilà, d'avoir des marges justes, de ne pas surenchérir sur le bio. Il y a eu des scandales quand même qui sont sortis dans la grande distribution, etc., en se disant c'est scandaleux de marger sur du bio, c'est vraiment freiner l'émergence de ce mode de consommation auquel aspirent encore une fois les citoyens et les citoyennes. Mais il y a aussi une énorme responsabilité de la commande publique dans les écoles, dans les administrations. C'est un levier énorme si l'État commence à acheter massivement en bio et à prescrire des consommateurs, des producteurs bio. Et voilà. Et après, il y a quand même la question des subventions à d'autres projets qui viennent lutter contre une inaccessibilité spécifique, qui est celle, par exemple, des quartiers prioritaires. Et c'est le sens d'un projet comme VRAC, qui n'a pas vocation à faire masse, à être pour tout le monde, partout, mais dans un lieu où la précarité est particulièrement forte. Alors ce coup de pouce en termes de prix subventionné, il fait la différence. Et puis c'est parfois à la marge qu'on peut aussi que peut émerger certains modèles en tout cas de transformation possible. Ouais, clairement. Pour illustrer ce que tu dis, hein, c'est la loi Egalim. La loi Egalim qui est censée réglementer les approvisionnements des lieux de restauration hors domicile. Engagement à 20% de produits biodisants écologiques, donc traduisons bio. Aujourd'hui, on est à 6%. On est à Egalim 3, on va passer à Egalim 4. Comme d'habitude, on se fixe des règles, on se fixe des caps, mais on ne les respecte pas. Donc je rejoins et je factualise un peu ce que tu exprimais là. Et après, sur le trio de l'accessibilité, il est très clair, on vient de l'énumérer, mais je fais sans faire une synthèse, mais j'ai pas l'autorité pour la faire, mais on a l'accessibilité prix, ça c'est sûr. On a l'accessibilité géographique, alors effectivement on y travaille, et je vais revenir là-dessus, et l'accessibilité culturelle, c'est-à-dire dans la démarche, dans l'esprit, mais aussi dans la façon de s'alimenter, de s'alimenter de tout un chacun en fonction de sa culture, il faut effectivement qu'on arrive à avoir une offre de produits qui correspondent en fait à ça. Et notre meilleur allié, notre seul allié en fait, le seul qui a les clés aujourd'hui en tout cas, même si on a des mouvements alternatifs, nous on se présente souvent comme une alternative à la grande distribution, commerçants et militants, c'est quand même aujourd'hui la grande distribution. On a vu dans la crise de la bio, alors qu'on était vers ce chemin que j'essayais de décrire peut-être un peu maladroitement tout à l'heure, qui était si on augmente les volumes, mécaniquement, ça rend les choses beaucoup plus accessibles. Si on fait augmenter le marché, ça rend plus accessible. Il y a eu la crise, il y a eu la peur. Juste derrière, il y a l'abandon de la grande distribution sur qui ont démonté les rayons bio, ils sont sortis du truc. Alors que c'est vraiment eux qui font la consommation alimentaire des Français. C'est quand même la grande distribution qui l'a fait. Même si les alternatives ont vraiment grandi ces derniers temps, et tant mieux, il faut qu'on puisse envoyer un signal pour dire « Eh oh les gars, si vous n'êtes plus avec les citoyens, on fera sans vous, hein, et c'est très bien, et on arrive à faire sans, c'est cool. » Mais néanmoins, c'est aussi là-dedans que se trouve la responsabilité, et cette triple accessibilité, il faut qu'on la travaille comme ça. Et puis à nous, Boge, VRAC, Biocop, des alternatives, d'aller nous installer, de prendre des partis pris militants, engagés s'installer par exemple à Saint-Roch, à Saint-Thé pour la Biocop Saint-Roch. On est aussi dans les quartiers nord de Marseille, etc. Parce que ça fait partie de nos vocations, cette accessibilité géographique et culturelle qui fait qu'il faut qu'on soit aussi en proximité des consommateurs. On va peut-être terminer cette table ronde. Le temps passe très très vite, c'est assez fou. Juste, je me disais, parce que vous vous connaissiez avant cette rencontre et table. Le Biocop est en proximité de VRAC, mais au niveau national, etc. On connaît un peu Boris. Ce que je me dis géographiquement aussi, peut-être dans votre intention la plus vertueuse possible, peut-être que vous travaillez finalement indirectement ensemble par des fournisseurs, producteurs, partenaires qui sont peut-être bien en commun, non ? Oh, je pense qu'on se complète. Il n'y a pas d'autre mot. D'avoir des magasins où tout le monde peut aller tout le temps, c'est quelque chose qui me manque, qui manque aussi à VRAC. D'aller dans les quartiers populaires, donc effectivement, il y a quelques magasins, mais ce n'est pas de partout. Donc VRAC est présent. Mais ceux qui ne peuvent même pas se déplacer dans ces quartiers-là, on a la Boche du Forêt qui peut livrer. Oui, oui. Donc, effectivement, on pourrait presque travailler ensemble, mais on travaille vers une même, vers un même objectif, en fait, hein, c'est le bien manger pour tout le monde. Bien sûr, mais je me disais, dans les producteurs, par exemple, oui. Vos fournisseurs, ils sont peut-être bien communs à vous trois, non ? Moi, je suis sûr qu'on a des producteurs vous en commun. Le savez, vous ne le savez si pas. Si on croise les catalogues, ouais. Je suis sûr que... Enfin, j'imagine, parce que si on établit une cartographie, je pense que... Enfin, voilà, et puis ils sont même déjà peut-être ici même, d'ailleurs, dans cet espace-là, qu'est-ce que ça oui, on confirme. Tout juste. Il y a okay. Même une autre ancienne bio dans laquelle j'ai travaillé. Je n'ai pas le droit de la citer. Je ne sais pas. Si, ça peut être justifié aussi, bien sûr. Donc, oui, j'ai travaillé aussi à Satori. Ouais. Et effectivement, on a des producteurs en commun. Eh ben oui. Mais également avec la ferme au quartier. Où on a des producteurs en commun. J'imagine que Vrac aussi, vous travaillez avec la ferme au quartier, par exemple. Tout à fait, on entrepose, voilà. On manutentionne chez eux, et c'est eux qui livrent les palettes Vrac. Ben voilà. Bien sûr. Voilà. Pareil, donc déjà, on a trouvé déjà le premier, mais non, c'est une évidence. Je lançais un peu la question comme ça. Le bon signe, c'est quand on aura une offre tellement large et tellement accessible que ça sera plus vrai, et qu'on n'aura plus des producteurs en commun, parce qu'il y en aura tellement que ça sera un vrai hasard. Peut-être que l'on peut terminer avec des questions si vous avez envie de réagir, le public ici présent, en rapport à ce qu'il vient de s'exprimer et de se dire ici au plateau. N'hésitez pas à tendre la main et un petit micro peut venir à vous. On facilite aussi le déplacement et la mobilité. Non, pas de questions. Ça veut dire qu'on a été complet, exhaustif, clair, transparent. Ben, c'est super, je vois que ça approuve en plus. Ok, ben, alors grand plaisir d'avoir réussi ce petit défi-là au moins. D'avoir pu exprimer un peu les choses clairement. Merci. Est-ce qu'il y a un mot de la fin si besoin ? Bah moi, j'ai juste envie de dire que je crois qu'il faut tous se redire que tout le monde cherche la qualité, tout le monde cherche la santé et bien manger. Donc développons les alternatives pour le rendre possible. Et on va terminer avec les infos pratiques. Très vite, on rappelle Biocoop, Artisan, Firmini. Tu veux redonner, Fred, les contacts, coordonnées ou autres, enfin, 32 rue d'Orient, voilà. Vous nous trouvez entre Firmini et Unieux, une équipe de salariés hyper engagés sur la bio et les alternatives. Vrac Marine, un contact peut-être, je ne sais pas, ou un site ou un... Vrac Saint-Etienne. Voilà, ok. Et pour la Bosch du Forêt ? Eh bien, le site, c'est simple, c'est bochduforêt.fr. Voilà. Et on peut me retrouver également sur tous les réseaux sociaux, que ce soit... Oui. On ne va pas citer. Comme sans doute tout le monde. Merci encore à vous. Merci, Lédel. On vous merci. Souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de Tatou Juste. Merci beaucoup. On va retrouver un peu de musique. Et puis, on se retrouve un peu plus tard pour encore d'autres rendez-vous à venir.